fais gaffe là, car le temps passe. Mise sur la bonne place, c'est à toi ici pas de faire ta place. L'amour et la mort sont deux extrêmes qui se kiffent à mort. Alors prends soin des tiens et évite de perdre la place, car le temps passe. Mise sur la bonne place, c'est à toi ici pas de faire ta place. L'amour et la mort sont deux extrêmes qui se kiffent à mort. Alors prends soin des tiens et évite de perdre le temps défile sans prendre le temps de t'avertir. Jour à jour ça file, jour à jour les jours s'enfilent. Et la société est là pour te pervertir. Ça serait mentir de dire la vie elle jamais ne s'empire. Construis ton empire, au pire tout est éphémère. Nique Babylone, nique la maison mère. La bonne vague sur la mer. Vois ton destin comme un festin. La route est longue, vaut mieux te munir d'un passe-temps. Le temps passe trop vite. L'amour d'une tasse est tentant. Mais dans le temps c'est plus aussi tentant. Tes potes restent des potes à mi-temps. C'est ça même qui compte vraiment. Fais gaffe là, car le temps passe. Mise sur la bonne place. C'est à toi ici pas de faire ta place. L'amour et la mort sont deux extrêmes qui se kiffent à mort. Alors prends soin des tiens et évite de perdre la place, car le temps passe. Mise sur la bonne place. C'est à toi ici pas de faire ta place. L'amour et la mort sont deux extrêmes qui se kiffent à mort. Alors prends soin des tiens et évite de perdre la place. Le temps passe, cousin. Pas besoin de te dire d'éviter la garde à vue. Tu sais, même ton meilleur pote et peut-être celui qui t'a boucap. Les temps sont durs et le climat est illusoire. On vit tous sur une lame de rasoir. Ce que je te dis pour toi, c'est peut-être dérisoire. Faut que je vous quitte. Je lâche ma plume, messieurs, et je vous dis bonsoir.